Belle annonce faite par le conseil de ville de Dolbeau-Missassini. Ça s'est déroulé hier soir lors de la séance normale du conseil. Et évidemment, on l'avait annoncé jeudi en primeur dans notresport.com que le conseil municipal irait de l'avant avec le projet. On en parle avec le maire de Dolbeau-Missassini, Pascal Cloutier. Bon après-midi, Pascal. Oui, bonjour. Pascal, évidemment, c'est un projet. Est-ce vrai que le temps pressait, fallait, ça passait ou ça cassait, sinon vous perdiez vos subventions? Est-ce que c'est vrai? Oui, effectivement. La date butoir, là, qui était au départ de la mi-janvier, okay. Nous, on avait eu des discussions avec le ministère pour faire reporter cette date-là. Il avait accepté de la reporter au 31 mars. Donc, effectivement, nous, on avait jusqu'en 31 mars pour donner la réponse officielle au ministère, ce qui a été fait donc la semaine dernière. OK. Dis-moi, Pascal, si on y allait, moi j'ai su à travers les branches qu'il y aurait que le projet est réduit un peu. Au début, le projet était de 8 corridors, on passe à 6 corridors et on a enlevé le tremplin de 3 mètres. Est-ce que c'est vrai? Ben, au niveau des corridors, en tout cas, je pense que ça a toujours été prévu 6, mais peut-être que ça devrait être discuté au départ de 8. OK. Mais au niveau du tremplin, ça vous confirme qu'effectivement. Ce tremplin-là, ben après discussion et après évaluation des coûts, il a été enlevé, mais c'est pas seulement pour ça, c'est pour une question de sécurité. C'est que aujourd'hui, quand on a un tremplin, ben ça prend des gens formés et ainsi de suite, donc c'est beaucoup plus compliqué au niveau pratique là d'avoir un tremplin. Donc c'est pour ça qu'on l'a éliminé. Et en même temps, ça nous a permis effectivement là, de sauver. Quand même, un montant, je pense, est aux alentours de 200 000 $. OK. Si on y allait avec maintenant les travaux, ça va commencer à la mi-avril, c'est ça? C'est Construction Unibec qui a obtenu le contrat. Est-ce que l'appel d'offres a été fait? Est-ce qu'il y a eu d'autres appels d'offres de fait, autrement dit? Oui, bien, effectivement. Le contrat a été accordé à Construction Unibec. Les travaux devraient commencer au mois d'avril. Donc, ce mois-ci, là, ça devrait commencer à bouger sur le chantier. Donc, c'est ce qui est prévu, puis nous, je sais qu'il va déjà avoir des réunions de chantier qui vont être faites très bientôt, là, donc on veut que ça commence le plus rapidement possible. OK, si on y allait avec est-ce que le facing de l'aréna, est-ce que la façade de l'aréna va changer maintenant? Parce qu'on sait que la façade du complexe sportif et la façade de la piscine, c'est annexé, est-ce qu'il va y avoir un changement de ce côté-là aussi? Ben, écoutez, c'est sûr que quand on va regarder avec le complexe Aquagym, vous savez qu'on, ce qui est prévu, c'est qu'on démolit le gymnase actuel. Donc, effectivement, ça va quand même, il va quand même y avoir un bon changement. L'entrée va être pas mal à la même endroit, sauf que là, ça va être modifié quand même pour être capable d'accéder autant à l'aréna qu'au complexe Aquagym. Donc, oui, ça va donner un look nouveau, ça c'est certain. Puis, éventuellement, quand l'ancienne piscine sera démolie, ben, ça va être toute l'apparence extérieure au niveau des stationnements et ainsi de suite. Là, il va quand même y avoir un bon changement. Puis là, il va y avoir aussi, je pense, j'ai lu ce matin dans le communiqué de la ville qui s'est mis sur Facebook qu'il va y avoir des changements également. La 3e et la 4e avenue sur les galeries d'érable va être fermée, c'est ça? Oui, effectivement. Dans le fond, là, c'est que l'hôtel de ville, là, le stationnement de l'hôtel de ville et le stationnement de l'aréna, là, ben, ça va devenir le même stationnement. Donc, effectivement, il y aura une fermeture définitive là, de ce bout, ce tronçon de route-là. Je pense qu'au niveau sécuritaire et ainsi de suite, ça va être une bonne chose. Puis nous, c'est important de dire qu'il va y avoir une réunion d'information ouais. avec les résidents de ce secteur-là. Okay. Puis la réunion, ça va avoir pour but, entre autres, là, de consulter les gens et de voir, ben, tant qu'à faire un aménagement, ben, on veut savoir comment on le fait pour éventuellement pour toutes les organisations qui sont dans ce milieu-là, ainsi que pour les étudiants, les jeunes aussi qui ont à se déplacer là à partir exemple de la 4e avenue pour s'en aller vers l'école. Donc tout ça là, on va avoir une séance pour ça pour s'assurer d'avoir un bon aménagement là, extérieur. OK. Est-ce que puis là ce que j'ai su aussi c'est que la soupe populaire puis la société d'histoire vont être réaménagées aussi. C'est pas vraiment du sport, mais il faut en parler aussi. Là. Ben, en fait, c'est on parle pas des installations en tant que telles, mais c'est plus au niveau de des accès. Là. Donc, il y a quand même une rue là, qui va être réaménagée. Va être maintenant plus en arrière de ces installations-là. Là, parce qu'effectivement, avec le nouveau complexe, là, l'accès va être modifié. Donc, ça va faire partie là, des réaménagements là, qui vont être faits. Est-ce que la piscine va permettre d'amener des compétitions régionales, des compétitions même provinciales, peut-être on rêve en couleur peut-être provinciale, mais régionales à Dolboum-Cessny? Oui. Ben ça, premièrement, la longueur de la piscine, on sait que ça va être une piscine de 25 mètres. Ça c'est déjà une bonne chose. Okay. Puis, avec ce corridor, on va être capable effectivement là, d'accueillir des compétitions régionales. Puis surtout aussi que ça va être tout l'aménagement intérieur qui va être beaucoup plus adapté que présentement. Tu sais. Okay. On sait que l'accessibilité présentement de la piscine, c'est pas facile. Puis au niveau du vestiaire, ça va être un vestiaire mixte. On va avoir quand même une bonne portion là. Les gens vont pouvoir être assis là sur la palette en haut là. On parle de près de 200 places assises. Donc tout ça va faire en sorte effectivement que ça va être beaucoup plus facilitant là pour toutes les activités aquatiques. Là. Es-tu confiant en terminant que ça va être en 2000 puisqu'on prévoit hiver 2020. Es-tu confiant que ça va arriver dans les délais? Oui, on est bien confiant. On va suivre les délais de proche puis. Nous, on vise mise en opération à l'hiver 2021. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'à l'automne, là, il y aura pas de services qui vont être donnés, là, parce que à ce moment-là, on va être comme à la période de transition entre l'ancienne piscine qui sera plus en opération. Le temps qu'on mette l'opération de la nouvelle piscine en marche, là, ça va être c'est vraiment l'hiver 2021. OK. Ben, félicitations, Pascal. C'est un projet qui a quand même qui a pas été facile à clore. Il y a eu des... Non. À closer, comme on appelle. Excuse-moi l'anglicisme. Oui. Mais enfin, je pense que les gens qui aiment la piscine... Il y a combien d'utilisateurs de la piscine en passant, en terminant? Hein? Ah, les chiffres, on les a, mais écoutez, c'est assez impressionnant. Là. Ouais, okay. On parle de milliers d'utilisateurs. OK. Mais là, ce qu'il faut dire, là, c'est qu'avec le nouveau complexe, la nouvelle piscine, les jeux d'eau qu'on n'a pas présentement... nous, on pense vraiment qu'on va avoir une augmentation quand même assez significative là, des utilisateurs. Donc, on va avoir encore plus de monde, donc plus de monde en forme puis plus de monde en santé. Puis le milieu, c'est une question que j'étais en train de très important. Le milieu, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu voulais aller chercher plusieurs fonds dans le milieu. Est-ce que la compagnie, finalement, est toujours au travail? Puis comment on vise là, pour aller chercher ça? Là? Ben, en fait, la campagne de financement avec BNP, oui, on est présentement dans un comité qui est en train de déterminer quelle campagne de financement on va faire. Donc ça, on est présentement là-dedans, puis nous, on vise le 1,5 million qu'on va aller chercher avec cette campagne-là. Je vous dirais qu'on est quand même bien confiants parce que, bon, on sait que c'est une installation selon des pré-sondages qui ont été faits, que les gens veulent de ces installations-là. C'est vraiment positif. Tu sais, on parle de la piscine, mais faut pas oublier la partie gymnase. Avec toute la troupe, avec la gang de Madilut, là, je pense que c'est quand même majeur. Donc, oui, on est très confiants. Mais c'est beaucoup d'argent, 1,5 million dans le milieu. Tu es d'accord avec moi? Là? Est-ce qu'on va viser quand même des compagnies de l'extérieur? Est-ce qu'on va viser... parce qu'ils font affaire avec Delbeau, je pense à Hydro-Québec. Je pense à... Tu sais, ça donne pas beaucoup, ça, Hydro-Québec. Bell, ça donne pas beaucoup aussi. Est-ce qu'on va viser ça? Parce que juste les marchands, là, Pascal, tu sais comme moi, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Mais nous, dans le fond, comme tu disais tantôt, ben nous, à travers ça, avec la firme avec qui on fait affaire, c'est pas plusieurs campagnes de financement majeures qu'ils font. Et eux, effectivement, là, on va viser des grosses compagnies qui sont de l'extérieur, mais dans le milieu, on est confiant là d'aller quand même chercher un bon montant, mais je pense que l'important là-dedans, c'est vraiment d'y aller avec un plan de match qui est quand même bien déterminé. Puis, tu sais, là-dedans, ça va aller jusqu'à rendre le nom du bâtiment. Ça va aller jusqu'à... Okay. Il y a quand même... je pense qu'on devrait y arriver. OK. Pascal Cussier, gros merci. Félicitations encore une fois. Merci. Salut. Le maire de Dolboum-Cessny, Pascal